thème. Mais ouais, je toque, tranquille ou quoi? Ouais, c'est bien ça. Tranquille, on est là, alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas rappelé, hein. C'est ghetto, tu connais la paix, c'est la crise. Plus ils en veulent rap, donc normal on maîtrise. C'est ghetto, comme toujours les jaloux nous méprisent. Malgré les rumeurs, nous on reste. C'est ghetto, tu connais la paix, c'est la crise. Plus ils en veulent rap, donc normal on maîtrise. C'est ghetto, comme toujours les jaloux nous méprisent. Malgré les rumeurs, nous on reste. J'ai envie tout niquer, tout baiser, ça depuis minot. Moi, je suis plus manet que j'ai le calibre, c'est domino. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de traits, et là, je suis pas miro. Tu veux voir la fuite, la défaite, regarde-toi dans un miroir. Je suis un cowboy, j'tire des rimes et des phases. J'ai jamais dit que je suis un show, mais j'assume toujours mes phrases. You bitches, arrêtez toutes vos bêtises, please. Que les salopes ne me fassent pas la bise. Je veux les jours propres, pas avoir de propre. Ceux qui me connaissent bien peuvent m'appeler Stifler le Bob. La phrase d'en bas me reconnaît dans mes rimes. J'ai monté le niveau, la chaleur qui met à clim. Authentique comme une Harley, les gros pétards de Bob Marley. Ils ont un mauvais délire comme un mariage forcé. Je les fais kiffer, ils reprendront toujours mes thèmes. La jalousie fait qu'ils écouteront pas même s'ils aiment. C'est ghetto, tu connais la paix, c'est la crise. Plus ils en veulent rap, donc normal on maîtrise. C'est ghetto, comme toujours les jaloux nous méprisent. Malgré les rumeurs, nous on reste. C'est ghetto, tu connais la paix, c'est la crise. Plus ils en veulent rap, donc normal on maîtrise. C'est ghetto, comme toujours les jaloux nous méprisent. Malgré les rumeurs, nous on reste. J'suis pas dans la grosse frappe, contrôlé à la missile. Je zigzag entre les ponts et les attailles. Ici c'est hard, j'entends le bruit de la bataille. C'est le combat du thriller, j'écoute en flow comme un samouraï. Pris en chasse en plein périphérique, pas le temps d'imaginer le côté tragique. J'mets les pleins phares, trop la taille, on met le du brouillard. J'croque la vie, j'épouse mon histoire illégalement. J'négocie qu'avec des bâtards, la vie m'a surpris. En train de la forêt, bienvenue sur le front, là où s'asseoir en bas des blocs. Le cloque aux couilles, je jette un œil dans le rap en faisant une patrouille. Trop la taille, j'rappe à tes funérailles. Appelle-moi la mélodie qui hacka. C'est ghetto, tu connais la paix, c'est la crise. Plus ils en veulent rap, donc normal on maîtrise. C'est ghetto, comme toujours les jaloux nous méprisent. Malgré les rumeurs, nous on reste. C'est ghetto, tu connais la paix, c'est la crise. Plus ils en veulent rap, donc normal on maîtrise. C'est ghetto, comme toujours les jaloux nous méprisent. Malgré les rumeurs, nous on respire.